ce n'est rien. Tout laisser bien les temps passent, ce n'est rien. Tout c'est bien. Elles en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient. Pour un bateau, il s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin. Qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tour terrelle qui s'éloigne, tire d'elle. En emportant les duvets qui étaient ton lit en beau matin. Ce n'est rien, tout laisser bien, les temps passent, ce n'est rien. Tout c'est bien, elles sont bonnes comme les bateaux. Et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'elle en rapportant les duvets qui est.